Ça ne résout pas le problème. Nous sommes d'accord sur la complexité des problèmes, mais c'est vous qui refusez de prendre en considération, qui regardez simplement les choses à l'intérieur de l'université, au lieu de prendre en considération la façon dont le public vote avec ses pieds. Donc là, il faut qu'on prenne... Moi, le seul message que j'ai, hein, après, sur les dispositifs, les solutions, etc., c'est-à-dire, je suis prêt absolument à discuter de tout. On essaye de faire des propositions. Je ne dis pas forcément que ce sont les meilleures et qu'on ne peut pas les améliorer. Mais la seule chose que je vous demande de prendre en considération, c'est ça. Parce que quand vous dites, vous faites le jeu de nos adversaires, moi, je vous réponds exactement la même chose. Je pense que l'occultation de ce problème, c'est faire le jeu de nos adversaires. Parce qu'en France, on ne réforme pas l'université, on la contourne. Donc, tant qu'on ne prend pas en considération cette dimension-là, on est, de mon point de vue, mais complètement à côté de la plaque. Donc, je vous renvoie l'argument. Alors, sur la question du droit, oui, pour le moment, effectivement, le droit reste globalement protégé par le monopole professionnel. Mais pourquoi les juristes ont été à ce point dans la rue l'année dernière ? Parce qu'ils savent, ils me le disent tous, ils savent à quel point c'est fragile et que la prochaine attaque, c'est celle-là. Je faisais partie du conseil d'administration de Nanterre au moment où Sciences Po a obtenu le droit de présenter ses élèves au concours de du barreau. Et je voyais effectivement mes collègues qui sautaient au plafond. J'avais un peu une voix méchante. Je leur disais, bienvenue au club, chers amis. Voilà. Si je n'ai jamais eu tant de relations avec les juristes que depuis quelques années, qu'ils sentent le vent du boulet. Autre dimension qui est à peine évoquée là, effectivement, la médecine-pharmacie totalement protégée par ce secteur, je veux dire, là, on est dans un monopole professionnel qui est bien installé. Nous en sommes d'accord. Sauf que, comme vous le savez, actuellement, pour passer le barrage de la deuxième année de médecine, il faut s'inscrire dans une boîte privée en parallèle. Là aussi, les marchands de soupe sont à l'œuvre. Donc, prenons, je veux dire, il me semble qu'il y a ici, quand même, globalement, des gens qui sont contre la marchandisation de l'enseignement supérieur. Je vous montre là où elle est, principalement, dans son fonctionnement en France, la marchandisation de l'enseignement supérieur. Alors, attaquons-nous à cela. Cela ne change rien à l'analyse globale. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un effet de table. Je suis globalement d'accord avec Kadiani Vinokur. Je pense qu'il faut que nous pensions la voie française de cela, qui est particulièrement grave. Quand je vous donne ce chiffre de 14% par rapport à 24%, je suis simplement sur l'entrée post-bac. C'est considérable. Alors, après, on me dit effectivement... N'extrapolez pas, c'est pas parce que ça a été multiplié par 2 en 12 ans que ça va être encore multiplié par 2 dans les 12 ans qui viennent, mais enfin, ça me paraît suffisamment grave pour qu'on regarde les choses sans, l'occulter en pensant que c'est faire le jeu du ministère actuel que de dire ça. Je ne le pense pas.